Moïse a mis sa quignon, t'as dit bosso à faire. Bongo banan à faire, le babi misi te va nyoka. Yoka li kambo koka, moye nyoka mose. Emeli, meli, meli, ba nyoka à faire. Soki babi kaka na mbongo, tope ba relation, na ba stratégie. Biso tobi kaka na ngolwe. Kasi ba se kwate, balobaka ba mo ba konti, lo kwate.